بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الكلام حول الحديث الخامس et donc nous continuons de parler au sujet du cinquième hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Et donc selon Abi Huraira رضي الله عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne prie dans l'eau stagnante. L'eau stagnante qui n'est pas courante. Donc on a en français l'eau courante qui est connue, c'est l'eau du robinet comme on dit. L'eau potable qui arrive, qui est servie dans les maisons. Mais on peut utiliser le mot l'eau courante pour l'eau qui circule, qui est le contraire de l'eau stagnante, comme on dit, une personne qui nage dans le sens contraire au courant. Et donc, la personne, après avoir uriné dans cette eau, après cela, il va se laver, il va faire le roussel dans celle-ci. Wali muslimin la yartasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub. Et dans le recueil de muslim, qu'aucun d'entre vous ne fasse le roussel dans l'eau stagnante, alors qu'il est en état de janaba. رأينا أن العلماء اختلفوا في الماء المستعمل. On a vu que les savants ont divergé concernant l'eau qui a déjà été utilisée. Et l'avis le plus juste, c'est l'avis de l'imam Malik, qui est que... Ah, l'imam Malik, mais après on ne sait plus. Mais quoi? Elle met le moustarmel. L'utiliser plutôt le courant. Là, tu es parti sur un autre sujet. L'eau qui a déjà été utilisée, une personne qui a fait ses ablutions. Et l'eau qui coule, elle met. Donc, elle met yaskout, min arda'ihi. L'eau va donc tomber des membres de cette personne dans un autre récipient. Ouais. Est-ce que je peux réutiliser cette eau ou pas? Ça, c'est l'avis de l'Jumhur. L'Jumhur, il voit que cette eau est pure, mais qu'elle n'est pas purifiante. Mais on a dit que l'avis le plus juste, l'avis de l'imam Malik, c'est que cette eau reste pure, jusqu'à preuve du contraire. Pure et purificatrice, excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire. Et après, on a abordé encore un autre sujet, c'est quand jusqu'à preuve du contraire. On a dit que l'eau, elle peut être mélangée avec un autre élément qui est pur. Mais que cet élément, il n'a pas le dessus sur l'eau, et donc on peut encore l'utiliser pour faire ses ablutions. Ça veut dire quoi, n'a pas le dessus sur l'eau? On avait expliqué Tasmiya. L'eau ne change pas de nom. On avait donné l'exemple de la terre, un peu de terre est mélangé à de l'eau. Tant que ça s'appelle de l'eau, je peux faire mes ablutions avec. À partir du moment où c'est plus de l'eau, on l'appelle par exemple de la boue, khalas, c'est fini. On avait donné une autre situation, l'eau qui est mélangée à une impureté. Quand est-ce que cette eau devient impure? Est-ce qu'il faut attendre qu'elle change de nom ou pas? Les trois aspects. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle change de nom. À partir du moment où le goût, l'odeur ou la couleur a changé à cause de cette impureté, l'eau est devenue impure. Tayyib. ثم ليعلم أن الحديث فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حال الجنابة. Et donc dans ce hadith, il y a l'interdiction de se laver en état de janaba. وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْإِرْتِسَلْ فِي الْمَئِ الْجَارِ حَالَ الْجَنَابَ. Et donc, on comprend de cela qu'il est permis de se laver dans l'eau courante. Dans l'eau courante en état de janaba. Puisque le hadith stipule qu'il est interdit de se laver dans l'eau stagnante en état de janaba. C'est-à-dire que tu passes à côté d'une rivière, tu es en état de janaba, est-ce que tu peux faire le rousse dedans? Oui. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau qui est courante. Walakin law anna rajulan junuban irtasala fil ma'i da'im. Hal sahha wudu'uhu aw la? Si une personne vient dans une eau stagnante, il est en état d'impureté majeure. en état de janaba. Et il fait son rousl dans cette eau stagnante. Est-ce que son rousl est valable ou pas? Là? Hein? On a le hadith qui dit que c'est interdit. Mais maintenant, est-ce que c'est interdit? Ça veut dire que c'est pas valable. Voir les effets de l'eau, là, c'est... Hmm? Voir l'odeur et la couleur, les choses de l'eau, c'est bon, ça. Non. Là, tu parles donc de... Là, maintenant, c'est une impureté qui est rentrée dans l'eau. Là, maintenant, l'être humain qui rentre dans l'eau, lui, il est pur ou il est quelqu'un, même s'il est en état de Geneva, il est pur. El mu'minu la yanjus. Hein? Peut-être celui qui va venir après. C'est celui qui va venir après. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas. Mais l'interdiction du fait de rentrer en état de Geneva, c'est les substances que la personne peut mettre dans l'eau. Les substances que la personne peut mettre dans l'eau. Ouais. Et donc, c'est là qu'on va retourner à la première divergence qu'on a vue. C'est Narjia ila khilaf al-awwal. Rappelez-vous. Qalu al-ma'u al-musta'mal la yajuz at-tahara bihi. Et donc al-jumhur, la majorité des savants, ils ont dit l'eau qui a déjà été utilisée, il n'est pas permis de l'utiliser pour faire le rousl. Et c'est pour ça que al-jumhur al-hanabila Al-Hanabila, Al-Hanafiya et Al-Shafi'iya, ils voient que la yajuzu lil-rajul ou wudu'uhu batil inin ramasa fil ma'il qalil. Ils voient que sa purification est caduque si il se plonge dans une eau qui est en petite quantité. Pourquoi? Ils disent, quand tu t'es plongé dans cette eau qui est en petite quantité, cette eau, elle devient usagée, elle est déjà utilisée. Et donc, ta purification ne se fait pas. À partir du moment où tu t'es trempé dedans, ça y est, même Oustarmel, l'eau a été utilisée. Et donc, ta purification, elle est caduque. Elle est caduque, ta purification. Ça, c'est chez El-Jumhur. Ils te disent ça, c'est quand l'eau, elle est en petite quantité. Mais si l'eau, elle est en grande quantité, comme dans un lac ou autre, même si elle est stagnante, tu t'es trempé dedans, c'est l'ayajouz, mais tes ablutions sont... ton rousl, il est valable. Ça, c'est l'avis de l'Jumhur. L'avis de l'imam Malik. La yajuzu fi'luhu. Lakinna ruslahu sahih. L'imam Malik, il nous dit que c'est pas permis qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a interdit. Nahi anhu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, son rousl, il est valable. Pourquoi? Il te dit, li anna al-ma' tahur illa bidalil. Pourquoi? Parce que l'eau, elle reste purifiante jusqu'à preuve du contraire. La personne, elle a peut-être des impuretés sur elle. On avait parlé de certains liquides qui peuvent sortir. Mais même si le liquide sort de la personne, est-ce que l'eau devient impure tout de suite? Ou alors il faut que le goût, l'odeur et la couleur changent? Donc, l'eau reste pure et purifiante jusqu'à preuve du contraire. Donc la vie... Le plus juste, inshallah ta'ala, l'avis de l'imam Malik, cette personne qui va rentrer dans l'eau, en petite ou en grande quantité, tant que l'eau reste purifiante, son rousl, il est valable. Tayyib, est-ce que c'est compris? C'est compris? De toute façon, on va le revoir encore, inshallah ta'ala. Mas'alatun ukhra, al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nahi an al-irtisali fi al-ma'i da'im hal al-janaba. Lakin hal yajuz lil insan أن يغتسل في الماء الدائم للتبرد وهو غير جنوب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se laver dans l'eau stagnante en état d'impureté majeure. En état d'impureté majeure, de janaba. Cependant, est-il permis à une personne de se laver dans l'eau pour se rafraîchir sans être en état d'impureté majeure? Il fait chaud, c'est l'été. On a chaud, bon, allez les frères, on va dans l'eau, on va au lac. Yajouz. Même si c'est en petite quantité. Je te pose une question. On a une eau, par exemple, un petit bassin d'eau qu'on peut utiliser. Après, pour desservir les robinets, les gens ils font leurs ablutions avec. Il fait chaud, on est dans la mosquée, la clim fonctionne plus. Bon, allez, l'IFK, on va se... Le truc qui peut accepter 5-6 personnes, on va dedans. On est à 5-6 dedans pour se rafraîchir. Une personne, elle rentre. Elle nous voit dans l'eau à 5-6 dedans. Après, elle va faire ses ablutions avec l'eau ou pas? Non. Alors que c'est permis. Mais elle ne va pas faire ses ablutions avec. Elle sera un peu dégoûtée, la personne. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, il te dit à cause de ça, la tefal. Si l'eau, elle est en petite quantité, donc comme on a cité, en petite quantité, un récipient qui peut prendre 5-6 personnes, etc. L'eau, elle est en petite quantité, ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'après, les personnes, ils vont pas utiliser l'eau. Les gens, ils vont jeter l'eau, tout simplement. Ils vont se dire, bon, de toute façon, maintenant, les frères, ils sont baignés dedans, ils ont mis leurs pieds dedans, je vais pas faire mes ablutions avec, je vais pas le boire. Khalas, jetez l'eau. Pour éviter ce genre de choses, ne le fais pas. Sauf si l'eau, elle est en grande quantité, comme dans un lac ou autre. Tayyib? Wa fil hadith aydan, an-nahyu 'anil bawl fil ma'i ar-rakid. Il y a dans le hadith l'interdiction d'uriner dans l'eau stagnante. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yufarriq bayna al-ma'i al-qalil wa al-ma'i al-kathir. Et attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la distinction entre l'eau en grande quantité et l'eau en petite quantité. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un lac, t'est-il permis d'uriner dans ce lac? Non. Non, c'est pas permis. Maintenant, est-ce que l'eau du lac devient impure à cause de ton urine? Ça, c'est autre chose. Là, on revient au sujet. Tant que l'eau n'a pas changé, etc., etc., etc. Mais maintenant, est-ce que toi, Ibtida 1, à la base, il t'est permis d'uriner dans cette eau? Non. Si tu veux uriner, tu sors de l'eau et tu vas dans un endroit adapté pour cela. وَمِنْ هُنَا نَنْتَقِلُوا إِلَى الْحَدِيثِ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ. Et donc là, on va donc aborder le hadith 6 et 7. Ou alors, on reporte ça à demain, ou alors on continue. Vous voyez quoi, vous? Le hadith 6 et 7, on le commence tout de suite, ou alors on commence demain? Dites, c'est vous, hein. Moi, c'est déjà prêt, alhamdoulilah. C'est vous qui voyez. Soyez pas gênés, les frères. Hein? On commence maintenant? Pas libre. An Abi Huraira radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akol, idha shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, wa li muslimin ulahunna bit-turab. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si le chien boit, lorsque le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, alors qu'il le lave 7 fois. Et selon Muslim, la première fois avec la terre. Wa lahu fi hadith Abdullah ibn Mughaffal, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala idha walagha al-kalbu fil ina' farsiluhu sab'an wa afiru al-thaminata bit-turab. Et aussi selon le hadith de Abdullah ibn Mughaffal, donc chez Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le chien s'abreuve, ici le verbe walera, c'est la méthode utilisée par le chien pour s'abreuver, pour boire de l'eau, donc avec la langue, le fait de rentrer plusieurs fois la langue dans l'eau. Lorsque le chien s'abreuve dans le récipient, alors lavez-le 7 fois et passez de la terre sur la 8e fois. هذا الحديث دليل على نجاسة الكلب. Ce hadith est une preuve montrant l'impureté du chien. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وكذلك الحنابلة والأحناف. Et donc, et c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i ainsi que al-Hanabila et les Ahnaf, l'école de Abu Hanifa. Istadallu bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tuhur ou tuhur. Tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb. Ou alors c'est tuhur ina'i ahadikum. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est pour ceux qui ont mémorisé le hadith. Mais le problème, c'est que le hadith qui est cité dans le metn, il n'a pas été cité en entier. Donc, si tu veux le voir en entier, soit tu retournes dans Sahih al-Bukhari ou Muslim, soit tu retournes dans Bulugh al-Maram, par exemple. Parce qu'à la base, au début, c'est il a cité Tuhur, Inai Ahadikum. C'est quoi la différence entre Tuhur et Tahur? C'est quoi Tuhur? Tahur, mais yatatahorbi. Taïb. Tahur, c'est l'action. Tahur, c'est ce qu'on utilise pour se purifier, l'eau. Et donc, Tahur, inai ahadikum, ida shariba, ida walara fihi al-kalb, an yarsilahu sab'a marrat. La purification, donc pour purifier le récipient de l'un d'entre vous, lorsque le chien a bu dedans, il faut le laver 7 fois. Et donc, ils ont dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité « et-tuhur », il a cité la purification. « Wa-tuhur la yakunu illa bar d'et-tanjis ». Et la purification ne se fait qu'après la souillure. Si on cite une purification, c'est qu'il y a une souillure. Et donc, le chien est une impureté. Ils ont utilisé donc cette preuve, ce hadith, pour dire que le chien est impur. « Wa-stadallu bimadja'a fi riwaya fal-yurikhu ». Ils se sont aussi appuyés par une autre version, une autre des narrations qui a été citée du hadith, où le prophète il dit fal yurikhu, alors qu'il jette ce qu'il y a dans ce récipient. Ils disent al iraqa, iraqatu ma fil ina, in lam yakun najisan, fa huwa israf wa diya'. Et donc le fait de jeter ce qu'il y a dans le récipient, si cela n'est pas impur, alors c'est du gaspillage. Et donc ça, c'est la preuve que ce qu'il y a dans le récipient est devenu impur. Pourquoi? Parce que le prophète, il a ordonné de le jeter. Sinon, on n'aurait pas ordonné de le jeter. Mais attention, même si cette petite version-là qu'il y a, IRTLF, concernant la chaîne de transmission. « Wa qalatil malikiya » Ils ont dit quoi, le malikiya? C'est pas najis. Pourquoi? Parce que c'est une créature de... Parce que... Non. Je ne me rappelle pas, mais je me rappelle qu'elle dit qu'elle n'est pas malikia. Ils ont dit El illa ta'aboudiya. El malikia, ils ont dit que le chien n'est pas impur. Pourquoi? Parce que El illa ta'aboudiya. C'est pourquoi la cause par laquelle il nous est obligé de laver ce récipient 7 fois, et avec de la terre, une fois avec de la terre, c'est que c'est une cause pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Rien d'autre spécifique. Ce n'est pas une preuve montrant que le chien est impur. C'est pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. De la même façon que lorsque tu vas faire tes ablutions, pourquoi est-ce que tu vas laver ton bras, premièrement, donc jusqu'au coude? Pourquoi tu ne vas pas le monter jusqu'à l'épaule? Pourquoi tu le montes jusqu'au coude? Etc. Lorsque tu vas laver tes pieds, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes aux chevilles? Pourquoi tu ne montes pas jusqu'aux genoux? Pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'il t'a dit de faire comme ça, tu fais comme ça. Le khouf, lorsque tu fais le masah, tu passes tes mains sur les chaussettes ou sur les chaussons. Tu les passes en haut, tu ne les passes pas en bas. Pourquoi? Parce que c'est pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme ça. Et donc là, il te dit pour le chien, c'est la même chose. Le chien, il n'est pas impur. On doit laver, lorsque le chien a bu dans un récipient, on lave le récipient 7 fois. Mais le chien n'est pas impur. Ça y est? Le Jumhur, quand ils ont dit qu'il est impur, ils parlent de le chien en totalité. On y arrive. Naam. Wa qala ahlu al-dhahir. Et donc, al-dhahiriya. قالوا إن الحديث دليل على نجاسة فم الكلب فقط. الظاهرية, ils ont dit que le hadith est une preuve qui montre que seule la bouche du chien elle est impure. Seule la bouche, seul son museau, il est impur. Pas le reste de son corps. El Jumhur, tout son corps. Le chien, il est impur. C'est-à-dire, le chien, il passe, il te touche. Il laisse, Nawawi, il dit que le chien, il touche, il laisse des, des poils sur ton camis, sur ton vêtement, avec un peu d'humidité, il dit, il faut que tu laves ton camis 7 fois. 7 fois. D'accord? Pourquoi? Parce que pour eux, il est totalement impur, le chien. Al-Zahiriya, ils te disent, non, c'est juste la bouche. Pourquoi? C'est juste la bouche. Parce que le hadith, il a cité que lorsqu'il boit dans le récipient. Il n'a pas cité lorsqu'il se plonge dedans ou autre. Il a cité lorsqu'il boit dans le récipient. Et donc, ils ont dit, c'est juste la bouche. Tayyib. ويجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ذكر غلوغ الكلب فقط لأن الغالب لأنه هو الغالب فإن الكلاب لا تبول في الأواني. On répond à cela, l'argumentation de Zahiriya, lorsqu'ils nous disent que le hadith, il cite juste le fait que le chien, il boive dans le récipient. Les savants, ils disent, le prophète, il a cité le fait que le chien boit dans le récipient. C'est pas pour dire que c'est juste sa bouche qui est impure. Mais c'est parce qu'en général, lorsqu'un chien se déplace vers un récipient, c'est pas pour uriner dedans. C'est pas pour... Cheikh Ibn Uthaymeen dit, le chien, lorsqu'il va vers un récipient, c'est pas pour mettre ses pattes dedans. C'est pour boire. Moi, personnellement, quand j'ai lu ce passage, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, j'ai jamais vu un chien aller vers un récipient et mettre ses pattes dedans. Et donc, c'est là, ils te disent, ça, c'est makhraj, kharaj al-makhraj al-ghalib. C'est-à-dire que le prophète, il a cité ça parce que, en général, c'est ce qui se passe lorsqu'un chien se déguise vers un récipient. Mais, il n'y a aucune preuve en cela montrant que c'est juste la bouche. Et après, il y a d'autres argumentations liées à cela. Certains qui vont dire, l'urine du chien, elle est plus impure que sa bouche, que sa langue. Et que sa salive, malgré cela, on doit laver le récipient 7 fois, alors que ce n'est pas son urine, et donc que dire du reste du corps, etc. Une grosse argumentation, un gros débat entre les savants sur ce sujet-là, c'est une grosse divergence. Ibn Abdelbar, il dit dans l'explication du Muwatta d'Imam Malik, il dit, « Ikhtalaf al-ulama fi hadhihi al-mas'ala ikhtilafan shadidan. » Il dit, les savants, ils ont beaucoup divergé concernant ce sujet. Voilà pourquoi, concernant ce sujet, personnellement, je prends el-ahwat. Je prends l'avis le plus sûr. C'est-à-dire que le fait que le chien est impur. Et à partir de cela, demain, on verra, inshallah ta'ala, les différents jugements qui sont liés à cela, bi-idhnillah. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بارك الله